Bonjour Tiffen, à demain. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle semaine, nouveau sujet dans la compagnie des auteurs et à l'occasion du centenaire du 11 novembre 1918 qui se profile, nous parlons jusqu'à jeudi de deux grands mémorialistes de la guerre, Winston Churchill et Charles de Gaulle. De Gaulle surtout, à qui nous consacrerons trois des quatre émissions de la série. Demain, nous retracerons avec Alexandre Duval-Stalla la biographie de Charles de Gaulle sous l'angle de la culture et des lettres, en rappelant notamment qu'il a hésité dans sa jeunesse à devenir écrivain. Mercredi, c'est Jean-Luc Barré qui viendra nous parler des mémoires de guerre du général ainsi que de ses récits, notes et carnets qu'il a édités dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Enfin jeudi, nous nous demanderons avec Jean-Louis Janel ce qui fait que les œuvres du général sont de la littérature ou n'en sont pas, c'est en tout cas l'avis de certains. Ce sera l'occasion de nous demander si les mémoires des grands hommes sont encore dans l'air du temps. Et aujourd'hui, pour évoquer donc les mémoires de guerre de Churchill, cette fois nous sommes avec vous, Antoine Capet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de civilisation britannique à l'université de Rouen, spécialiste de l'œuvre et de l'homme Churchill, dont vous avez annoté et révisé la traduction des mémoires de la Grande Guerre, ces deux volumes aux éditions Talendier, ainsi que sa correspondance avec son épouse Clémentine, Conversations intimes 1908-1964, toujours aux éditions Talendier. Et vous avez publié en janvier dernier aux éditions Perrin un gros ouvrage intitulé « Churchill, le dictionnaire », qui est un vaste travail de synthèse qui a pour but de mieux cerner à la fois la vie et l'œuvre de, je cite, « cet être exceptionnel aux multiples contradictions, aux vertigineuses faiblesses, mais aux dons étincelants et aux éclairs de génie ». Alors tout le monde connaît le cigare de Churchill, son célèbre mot « no sport », en réponse à un journaliste qui lui demandait quel sport justement il pratiquait, bien, donc il n'en pratiquait pas. Il faut dire qu'il existe pas mal d'anecdotes sur Churchill, dont certaines d'ailleurs n'ont pas été ni vérifiées ni attestées. Je crois même qu'il y a un site internet qui recense un petit peu toutes ces anecdotes qui s'appelle le Churchill Central. Et vous, dans votre dictionnaire de Churchill, vous ne parlez évidemment que des choses qui sont vraies. On peut peut-être commencer justement cette émission par quelques petits points de portrait de la personnalité de Churchill et peut-être son amour des animaux. Parce que ça le caractérise bien, Antoine Capet. Oui, alors est-ce que je peux commencer par une correction justement? Vous parliez de reportage, etc., apocryphe, no sport, c'est absolument faux. C'était un très grand sportif. Il faisait mais encore du cheval. Il a dit quand même, répondu. Alors, il a dit ça, no oui, sport. Mais Churchill était un provocateur. Là, malheureusement, nous ne sommes pas à la télévision, sinon je vous aurais fait ça. Sa mimique que les Anglais appellent voilà tongue in cheek. Il se moquait du jeune homme qui était en train de l'interviewer. Pour en revenir aux animaux, justement, commençons par les chevaux, puisque la plupart de ses activités sportives étaient liées aux chevaux. Là aussi, il y a la légende qu'il n'aimait pas monter à cheval, alors que c'est pas vrai. Alors, rien n'est plus faux. Comme je viens de vous le dire, il montait encore allègrement. J'ai dit 50 ans, c'était pour jouer au polo, mais pour faire du cheval promenade, c'était 70 ans, donc c'est totalement faux. Ce qui est vrai, en revanche, c'est peut-être de là que vient cette légende dont vous parlez, c'est qu'il avait eu un très grave accident en débarquant d'une vedette aux Indes, et il s'était démis l'épaule, et toute sa vie, il a fallu, quand il faisait son polo, qu'il porte un bandage spécial. Sinon, son épaule le faisait souffrir. Donc, c'est peut-être de là que vient cette légende, mais sinon, il adorait faire du cheval. Il adorait les cochons aussi. Alors, les chiens le regardaient d'en bas, alors que les cochons le regardaient sur un pied d'égalité. Oui, c'est ça. Bon, Les chats aussi, il adorait les chats, mais il savait que les chats le toisaient. Et il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait avec eux, alors qu'il avait l'impression qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec les porcs, ce qui est vrai ou qui n'est pas vrai, on n'en sait rien, mais là encore, il créait sa légende. Bon, alors on n'est pas là pour parler seulement des animaux de Churchill, mais pour évoquer ses mémoires de guerre, dont l'une des pages les plus célèbres raconte la libération. On l'écoute. It was a few minutes before the 11th hour of the 11th day of the 11th month. I stood at the window of my room. C'était quelques minutes avant la 11e heure du 11e jour du 11e mois. J'étais à la fenêtre en train de regarder l'avenue Northumber en direction de Trafalgar Square, attendant que Big Ben annonce que la guerre était finie. Je repensais à mes années d'études, puis à la scène qui avait eu lieu à l'amirauté et l'émotion qui l'avait suivie lorsque j'écoutais le signal de la guerre contre l'Allemagne donné à notre flotte. Et maintenant, la guerre était finie. La nation désarmée et libérée, sans autre défense que son armée, avait combattu sans sourciller la plus puissante manifestation de force armée dans l'histoire des hommes. Elle avait accompli sa tâche, elle en était sortie indemne. Ses dernières possessions intactes, son effort de guerre croissant, ses institutions inébranlées, son peuple et son empire unis comme jamais auparavant. And then suddenly the first stroke of the chime. I looked again at the broad street beneath me. It was deserted. Et puis soudain, le premier signal. Je regardais à nouveau la grande rue qui s'étendait devant moi. Elle était déserte. Dans l'entrée d'un grand hôtel, un homme gesticulait dans tous les sens quand un autre coup a sonné. Then from all sides, men and women came scurrying into the street. Puis, de tous les côtés, des hommes et des femmes sont arrivés. Un flot de gens se déversait dans la rue. Les cloches de Londres retentissaient. Il y avait maintenant des centaines de gens dans l'avenue Northumber. Ils criaient de joie. Alors c'est Churchill qui lisait lui-même un extrait donc de ses mémoires dans une traduction de Michael Lonsdale. Enfin, pas la traduction elle-même, mais évidemment la voix. C'est vous qui avez suggéré de faire entendre ce texte, Antoine Capet. Pour quelle raison ? Alors d'abord, je vous remercie d'avoir pris un acteur aussi prestigieux. J'ignorais que Michael Lonsdale allait se prêter au jeu. Alors c'est une archive. Hein. Ah, c'est une archive. Mmh. Très bien, mais c'est formidable les archives que vous pouvez avoir. Alors, on entend toujours parler des archives de Radio France. Ça sert vraiment à quelque chose. Magnifique. Bref, pourquoi ça ? Eh bien, justement, vous consacrez votre semaine aux mémoires. Et je pense personnellement que ces deux pages où il décrit la 11e heure du 11e jour, du 11e mois, etc. Ces deux pages sont, à mon avis, les plus belles qu'il ait jamais écrites. Vous savez qu'on lui a donné le prix Nobel de littérature. Beaucoup de gens croient que c'est pour ses écrits sur la Deuxième Guerre. Pas du tout, parce qu'il n'était pas fini de paraître. Alors, on va en parler. Bon, hein, voilà. Mais tout ça pour vous dire que, en réalité, certaines personnes pensent que ce sont ses mémoires de la Première Guerre qui dominent absolument son œuvre littéraire. Moi, je ne sais pas. C'est quand même un peu pesant, parfois. Si l'ensemble des mémoires de la Première Guerre est un chef-d'œuvre, je dirais que non, parce qu'il y a vraiment des passages, disons-le, ennuyeux. Mais ce passage-là est magnifique. Pardon. Qu'est-ce qui vous ennuie dans les mémoires de guerre ? Eh bien, il a parfois des détails extrêmement fastidieux sur les discussions au sein du gouvernement, sur ses rivalités avec ses collègues, et se défendre également sur Gallipoli. Il a des pages d'une longueur extraordinaire. On sent celui qui a travaillé longuement dessus et qui a peiné à revoir la traduction. Alors, comment ça s'est organisé, cette écriture des mémoires de guerre? Quelle est la genèse de ce texte, ou plutôt devrait-on dire de ces textes, puisque ça s'étale sur 3 volumes pendant une dizaine d'années, la publication et l'écriture de ces mémoires de la Grande Guerre? Alors, c'est très compliqué. D'ailleurs, il y a plus que 3 volumes. Je vais en parler peut-être brièvement. Commençons par la genèse. Eh bien, la genèse, c'est que Churchill conçoit très très vite l'idée d'un mémoire qui serait un mémoire sur l'expédition des Dardanelles, Gallipoli, pour essayer de justifier sa politique. Et puis petit à petit, parce qu'on l'a accusé finalement d'être responsable du désastre, de l'échec, appelons-le comme on veut, alors qu'en réalité il est partiellement responsable. C'est vrai qu'il a poussé à la roue, mais il est loin d'être le seul responsable. Donc, si vous voulez, il y a les deux extrêmes. Il y a ceux qui l'exonèrent totalement de toute responsabilité, c'est faux. Et il y a ceux qui le chargent entièrement, c'est faux aussi. Donc lui, bien évidemment, a voulu s'exonérer de toute responsabilité. Mais petit à petit, alors qu'il écrivait précisément ce passage, qui est d'ailleurs très long dans ses mémoires, l'idée lui est venue de prolonger l'écriture et d'aller jusqu'à la fin de la guerre, puisqu'il avait quand même des choses importantes à dire, sachant qu'il est revenu au gouvernement en 1917, qu'il était ministre de l'armement, qu'il s'est passé évidemment beaucoup de choses en 1917-1918, d'où cette idée alors de ces deux premiers volumes, comme il les a appelés, mais quelquefois ils étaient en deux tomes, c'était compliqué, bref, couvrant la période non pas 1914-1918, mais la période 1911-1918. Pourquoi? C'est ça, parce qu'il veut retrouver vraiment les racines qui expliquent comment la Grande Guerre s'est Donc il faut déclarée. Rappeler qu'en 1911, il est premier lord de l'amirauté, ce qu'on appelle en France ministre de la Marine, et que donc sa plus grande fierté, et là c'est absolument vrai, sa plus grande fierté, c'est qu'on lui ait dit après, la flotte était prête en 1914. Donc là aussi, il y a des passages extrêmement fastidieux pour certaines personnes. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très bien, parce que je m'intéresse à la navigation, aux bateaux, etc. Mais il a des détails sur la façon dont étaient propulsés les navires de guerre, étaient ravitaillés les navires de guerre. Enfin, ça peut être fastidieux. Bref, il va dans les moindres détails pour la préparation. 1914, la guerre éclate. Donc, il est encore à l'amirauté et il reste à l'amirauté jusqu'à sa chute en mai 1915. Alors, c'est pas encore la défaite totale, mais c'est évident que ça tourne au vinaigre, pour employer une expression populaire, en mai 1915, l'expédition des Dardanelles. Et donc là, il est limogé. Et on lui donne un poste purement honorifique où il s'ennuie, parce que Churchill a horreur de s'ennuyer. Et donc, pour ne plus s'ennuyer, il demande à être réintégré dans les armées, puisqu'il a été officier de carrière. Tout ça lui donne matière à écrire. Voilà. Alors, il y a cet objectif qui est de se défendre sur cette question des Dardanelles, qui explique pourquoi il se met à écrire ses mémoires. Il y a aussi un autre objectif qui est tout simplement de compléter son indemnité de ministre, qu'il trouve trop faible. Il faut dire qu'il a des besoins quand même assez importants. Donc il y a un côté presque alimentaire aussi dans ses mémoires, ce qui fait qu'il va vouloir en écrire de plus en plus et voilà. Il va proposer toujours à ses éditeurs d'en écrire davantage. Voilà, absolument. Donc, je viens de le dire, les premiers volumes qui sortent en 1922-1923, les premiers volumes couvrent la période de guerre au sens large 1911, sa guerre, si vous voulez, 1911-1918. Ensuite, il propose à son éditeur, il n'y a pas vraiment de belle traduction française, « the aftermath », en anglais, c'est « les séquelles », c'est ce qui suit la guerre. Donc là, il a participé encore, il peut apporter un témoignage, parce que il a participé à certaines réunions de ce qu'on a appelé la conférence de la paix, donc 1918-1919. C'est un ouvrage extrêmement intéressant, mais écrit beaucoup plus tard, écrit à la fin des années 20. Un ouvrage où il déplore évidemment le fait que la belle victoire dont on a entendu quelques extraits, la belle victoire du 11 novembre, on l'a laissé filer. Et ça n'est pas la fin. Comme vous le dites, il a toujours besoin d'argent. Et il repropose encore, alors cette fois-ci ce sera la der des der, si je puis dire, il propose encore un autre volume qu'il intitulera The Eastern Front, le front de l'Est. Alors là, c'est... Alors qu'il ne connaît pas... Et voilà, exactement, c'est incroyable. Mais ça, c'est Churchill, c'est-à-dire il écrit sur toutes sortes de choses auxquelles parfois il ne connaît rien, mais on achète les bouquins sur son nom. Mais alors justement, il faut que vous nous expliquiez un petit peu comment ça se fait qu'il puisse parler à ce point de ce qu'il ne connaît pas, et ça nous fait glisser un petit peu sur la manière dont il a écrit ses mémoires, parce qu'en fait, il se fait largement aider, et puis voilà. Il a une documentation qu'il demande à des assistants de faire venir pour lui. Comment est-ce qu'il s'organise? Alors là aussi, il y a une évolution. D'ailleurs, il y en a même plusieurs. Prenons d'ailleurs la première évolution, qui est l'évolution technique. Les premiers livres qu'il avait écrits au début du siècle, il avait écrit à la main, au stylo à plume. Après, il y a la machine à écrire, et après, il y a le dictaphone. Le dictaphone, c'est quelque chose que finalement il n'aime pas, mais il a les moyens de se payer. Voilà, il aime déclamer. Donc, il a une sténodactylo en permanence à qui il déclame ses grandes phrases. Ce qui s'entend dans le style aussi. Voilà, on a souvent. Évidemment, retrouver son style déclamatoire dans son style écrit. Donc, ça, disons que à la fin de la guerre et au début des années 20, ça y est, sa façon d'écrire est établie. Il ne touche pas à une machine à écrire, il ne touche pas à un stylo. Tout est dicté à une sténographe. Une sténodactylo qui ensuite lui présente le texte et, en général, il le remanie profondément. Bref, ça, c'est pour la technique. Pour ce qui est de l'intendance, trouver les sources, etc. Et les vérifier aussi, parce que ça ne permet pas du tout de vérifier les sources. Au début, lorsqu'il écrivait, là aussi, fin du 19e, début du 20e, il faisait tout seul. Mais à partir de la rédaction des premiers volumes des mémoires, il se fait assister. Mais alors c'est compliqué parce que déjà, il dispose d'une documentation qu'il avait conservée. Donc tout ce qui du est du ministère, c'est-à-dire ses notes, voilà, ses correspondances, tout ce qui est document d'état non secret, ça fournit déjà une matière formidable. Et puisque on est payé au nombre de pages, c'est formidable parce que ça lui donne déjà plein d'annexes. Bon, et alors il étoffe autour de ça, mais pour les questions qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît mal, il s'adresse à des spécialistes. Donc pourquoi est-ce qu'on achète ces livres? Alors même si on sait que c'est pas lui qui a écrit par exemple le front de l'Est, on sait qu'il s'est adressé aux meilleurs spécialistes. En fait, ce qui est une ironie extraordinaire, c'est qu'il s'est appuyé sur les documents allemands pour écrire son ouvrage sur le front de l'Est, qui d'ailleurs n'a jamais été traduit en français. Alors il y a eu quand même un assez gros succès de tous ces ouvrages. Je crois que on parle de 60 000 exemplaires rien que pour le tome 1, et la critique au départ est plutôt favorable, même si au fur et à mesure, et notamment les universitaires vont commencer à dire, bah attendez, là quand même c'est pas de la première main. Oui, et on retrouvera la même chose pour ces mémoires de la Deuxième Guerre, c'est-à-dire que le grand public est absolument enthousiaste, beaucoup de participants sont enthousiastes parce qu'ils se retrouvent dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a écrit plutôt. Parce qu'il y a un point de vue toujours. Il y a toujours un point de vue, mais il fait très attention. Et il fait encore plus attention quand il s'agit des présidents des États-Unis à les présenter sous un jour flatteur. Je parle là des mémoires de la Deuxième Guerre, alors que dans les mémoires de la Première Guerre, il présente le président Wilson sous un jour très très peu flatteur. C'est pas le seul, hein. Keynes aussi est très méprisant. Oui, mais Keynes n'est pas après l'argent. Vous veniez de parler de Churchill. Quand il ménage les Américains, c'est parce que le marché américain est encore plus juteux que le marché britannique pour vendre ses livres. Et il a un succès considérable aux États-Unis. Il est considéré comme l'archétype du farfelu britannique, et il en rajoute évidemment avec son gros ventre, etc. C'est exprès. Ses livres se vendent littéralement comme des petits pains, et ça va devenir son activité principale, sa source de revenus principale. Entre les deux guerres. Et après, c'est une espèce d'industrie qui se met en place, parce qu'il a des tas de gens pour travailler. Absolument. Avec alors, lui. Il appelle ça, alors en anglais, syndicat à plusieurs sens. Souvent, à Chicago, on parlait du syndicat du crime, mais lui n'hésite pas, là encore par plaisanterie, il appelle ça mon syndicat. Mon syndicat, ce sont tous ses assistants, souvent des universitaires, des jeunes universitaires brillants, qu'il rémunère au cachet, fort généreusement, qu'il emmène en vacances, en général, aux frais de la princesse, c'est-à-dire de Time Life, qui emmène tout ce monde-là au Maroc, aux frais des Américains. Enfin, c'est extraordinaire. Bref, c'est une industrie, vous avez prononcé le mot. Sa demeure de Chartwell, qu'il achète justement à ce moment-là et qu'il rénove grâce au droit d'auteur de la première hier, sa demeure de Chartwell devient une véritable usine à produire du papier, du papier publié, bien sûr. Oui. Alors, évidemment, tout le monde ne trouve pas ça formidable, et notamment il y a ce mot d'esprit de Balfour qui est assez drôle et qui parle de la brillante autobiographie de Winston Churchill déguisée en histoire de l'univers. Oui, oui. Alors, il faut dire que ces deux-là sont des gens un peu compliqués dans leur relation, à la fois amis, mais amis avec une certaine distance. Il faut savoir que Balfour a été Premier ministre au début du siècle, juste avant que Churchill ne le devienne, justement. C'est quand Balfour démissionne que Churchill a été pris par Asquith et est devenu ministre. Enfin, bref, ils ont des relations complexes. Sur le plan politique, en fait, pendant la guerre et après la guerre, lorsque Balfour, à la fin de la guerre, est ministre des Affaires étrangères, ils s'entendent très très bien. Qu'il a raison de parler d'autobiographie déguisée, en fait? Mais hein. Bah oui, parce que ce qu'il veut dire, c'est que Churchill ne parle que de lui. Et même quand il parle des autres, il parle de lui. C'est-à-dire, il ramène tout à lui. Vous avez parlé de son point de vue. Tout est vu de son point de vue. Et si quelque chose ne l'intéresse pas, il escamote. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il est un écrivain. Et c'est peut-être pour ça qu'il va recevoir le prix Nobel de littérature. Alors, en un écrivain, 1953. Certes, un écrivain fait des choix. Churchill a toujours fait des choix quand il écrivait. Mais le reproche de Balfour, c'est qu'il fait des choix égocentriques, si vous voulez. Non, c'est la plus raison... un écrivain qu'un historien, alors. Alors, l'historien, aujourd'hui, personne parmi les historiens universitaires ne le reconnaît comme historien. Dans le grand public, il continue d'être reconnu comme historien, mais je citerai pas de nom en France, mais vous avez en France ce qu'on appellerait des historiens populaires qui sont reconnus du grand public, mais qui sont pas reconnus des universitaires. Comme pouvait l'être Max Gallo, peut-être. Alors, j'ai dit que je prononcerai pas de nom, mais en fait, je pensais à Henri Troya quand j'ai dit ça. Plus qu'à Max Gallo. Max Gallo avait quand même des qualifications, il était agrégé d'histoire. Hein. Bon. Churchill, aujourd'hui, on ne lit pas Churchill pour apprendre quelque chose, on lit Churchill pour le plaisir de lire, comme on lirait un roman. Alors, je vous propose de passer justement sur le versant de l'écrivain en écoutant, pour commencer, le secrétaire de l'Académie Nobel qui a évoqué les raisons de la remise du prix Nobel à Churchill. La Svenska Akademien idag beslutat att tilldela Sir Winston Churchill 1953 års Nobelpris i litteratur. Så har det skett med en motivering av följande lydelse. Tout heureux pour vous, Sir Winston, parce que nous pensions que vous l'aviez bien mérité, cette distinction, nous avons quitté le palais de la Bourse de Stockholm, tandis que la brume bleue d'une ineffable douceur de ce crépuscule d'automne tombait sur les pittoresques venelles de la vieille ville. Et au même moment, se hâtait vers le numéro 10 de Downing Street, Monsieur Gunnar Hägglöf, l'ambassadeur de Suède à Londres, avec les pantalons rayés et le parapluie les plus impeccables qu'on ait sans doute jamais vus sur les bords de la Tamise. Il devait vous remettre le téléx par lequel l'Académie confirmait un choix qu'elle avait, pour une fois, arrêté en moins d'une heure. Cette année-là, pas de contestation sur la personne ni sur l'œuvre. Le prix vous revenait de plein droit, Sir Winston. Et vous nous disiez « Je suis très fier d'un tel témoignage d'honneur accordé malgré la concurrence de tous les écrivains du monde. Je possède un certain nombre de distinctions nationales, mais le Nobel est ma première de caractère international. » Et puisqu'aucune circonstance, même solennelle, ne saurait entamer votre humour, Dieu merci, vous avez ajouté, en évoquant vos prédécesseurs britanniques, Rudyard Kipling et Bernard Shaw, mes idées se trouvent certes davantage dans la ligne de Kipling. Seulement Kipling n'a jamais eu une très haute opinion de moi, tandis que Shaw n'a jamais cessé de me couvrir d'éloges. La Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, vous le disiez, Antoine Capet, Churchill n'a pas forcément reçu le prix Nobel pour ses écrits de la Première Guerre mondiale, mais de manière plus globale pour sa maîtrise de la description historique et biographique, ainsi que pour ses discours brillants pour la défense exaltée des valeurs humaines. Ça, c'est la citation exacte de l'Académie Nobel. Qu'est-ce qui explique quand même ce prix Nobel de littérature à quelqu'un qui n'est pas d'abord, je crois qu'on peut le dire tout de même, un écrivain? Bon, alors, la citation que vous donnez, elle est répétée à juste titre dans toutes les biographies. En fait, ce qu'on a voulu fêter, c'est la rhétorique de Churchill, sa maîtrise de la rhétorique au vieux sens du terme, c'est-à-dire la manipulation des mots, la façon de forger les phrases, etc. Il était absolument un expert en la matière. Bon, cela dit, pourquoi le prix Nobel de littérature lui-même a été le premier surpris et le premier déçu? Parce qu'il espérait le prix Nobel de la paix. Oui, c'est plus logique en réalité. Ça aurait été plus logique. On ne sait trop pourquoi. Enfin, il avait quand même pas mal de morts sur la conscience aujourd'hui, bien évidemment. On n'imaginerait pas donner le prix Nobel de la paix à Churchill, vu le nombre de soldats qu'il a envoyés à la mort. Et ça serait politiquement incorrect, bien évidemment. À l'époque, ça aurait été possible. C'est pourquoi il espérait l'avoir. Il a eu une déception qui l'a plongé dans des abîmes de perplexité. La seule chose qui l'intéressait, il l'écrit à sa femme, c'est « Ah bah, heureusement, il y a quand même 12 000 livres sans impôts. » Mais il n'est pas allé recevoir le prix, comme vous le savez. Il a envoyé sa femme et sa fille. Il avait autre chose à faire. Il est allé voir Eisenhower aux Bermudes. Il faisait plus chaud. Au mois de décembre, les Bermudes, c'est agréable. Il avait horreur du froid et du climat nordique, donc pas question qu'il aille recevoir ce prix. Et comble, là encore, de l'insulte, à qui on donne le prix Nobel de la paix, à Albert Schweitzer, qui l'exécrait. Mm-hmm. Il trouvait que c'était un hypocrite de la pire espèce. Donc, il avait tout pour rejeter ce prix, sauf l'argent. Alors, ce qu'on peut dire quand même sur Churchill écrivain, c'est que tous ses écrits sont liés à la politique ou à la guerre, hein, d'une façon ou d'une autre, sauf peut-être le seul livre de fiction qu'il ait jamais rédigé, qui s'appelle Savrola, qui raconte, bon, c'est quand même politique, la révolution dans un pays européen fictif. Donc, c'est toujours le même sujet. Oui. Alors, en plus de ses livres sérieux, entre guillemets, il avait toute une industrie alimentaire d'articles de journaux qui étaient très bien payés. Entre les deux guerres, il était le journaliste britannique le mieux payé. Et comme il était payé au mot, il écrivait beaucoup. Et ces articles, il en gardait toujours les droits d'auteur, et ensuite il les a publiés dans des recueils. Donc il avait des articles extrêmement frivoles, par exemple sur les caricatures. Excellent d'ailleurs, hein. Il a été beaucoup caricaturé, comme vous le savez, donc allez hop, il fait un écrit sur les caricatures qui fait partie d'un recueil qui a été publié d'ailleurs, et en France ça s'appelle Réflexions et Aventures. Il écrit un article sur Moïse, il n'a jamais connu Moïse. Oui. Et alors, sur la manière dont il écrit justement ses mémoires de la Grande Guerre, il y a des scènes qui sont des scènes à proprement parler d'écrivain. Et notamment, je pense aux multiples scènes où on le voit dans son bain. Alors, il aime bien expliquer qu'on lui a annoncé telle catastrophe alors qu'il était en train de lire quelque chose dans son bain. Il aime bien dire qu'il y a eu une réunion sur un point fondamental alors qu'il était dans son bain. Donc, il y a quand même une mise en scène de lui qui est proche de... Alors, on n'est pas dans l'intime, évidemment, hein, dans ses mémoires, mais enfin, il est là tout le temps tant que Churchill. Absolument, c'est ça qui fait le succès. Bon, prenez les mémoires du général de Gaulle, ses mémoires de guerre. Mémoires passionnantes, bien évidemment, vous allez en parler dans les jours qui viennent. Mais bien évidemment, le général de Gaulle ne va pas vous dire « j'étais dans mon bain lorsqu'on m'a appris que... » Peut-être parce que précisément, il n'y était pas. Churchill avait fait couler la flotte à Merselkébir. Mais peut-être que Churchill n'était pas non plus dans son bain. Qui est là pour vérifier? Ah bah bien sûr, Churchill inventait... Churchill a passé sa vie à se mettre en scène. Il se mettait en scène dans la réalité, en politique, mais il se mettait en scène aussi dans ses écrits, sans aucun doute. Allez Antoine Capet, on va continuer cette conversation autour de Churchill et ses mémoires de la Grande Guerre. Mais pour l'heure, c'est le moment d'aller voir ce qui s'écrit dans les revues littéraires. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en l'occurrence, ce qui s'écrit dans la revue Décapage, avec Jean-Baptiste Gendarme qui est avec nous en duplex d'Aix-en-Provence. Bonjour Jean-Baptiste Gendarme. Bonjour Mathieu. Alors la revue Décapage, dont c'est le numéro 59, hein, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, comment est-ce que vous pourriez en résumer un peu la philosophie, la genèse et puis l'objectif? Alors, la revue Décapage naît en 2001, alors que je suis étudiant en fac de lettres. J'ébauche avec quelques amis l'idée d'une publication qui serait collective, espiègle, passionnée et qui mêlerait hommage aux anciens et défrichage de nouvelles plumes. En 17 ans, le fanzine de 10 pages, là vient le nom, Décapage, est devenu une véritable revue publiée par les éditions Flammarion de 172 pages. Dans les numéros, la revue essaie d'affirmer sa place dans le paysage littéraire français et confirme sa singularité dans son exploration de la prose contemporaine. Elle n'est pas l'œuvre d'un réseau d'amis ou aux affinités littéraires communes. Elle se met un point d'honneur à résister à l'esprit de clan, mêlant les styles et les écoles. Alors notre but, comme vous le demandiez, c'est de montrer que la littérature vit, qu'il ne s'agit pas, il ne s'agit pas de révolutionner la littérature, mais de l'ouvrir, de la désacraliser, de prendre les non-lecteurs par la main, leur montrer à quel point la littérature fourmille, que la littérature n'a pas dit son dernier mot, comme on aime à le répéter très souvent. Notre dernier slogan, parce qu'on change souvent de slogan, qu'on peut trouver en couverture, c'est « Mieux vaut lire tard que jamais », et c'est pour nous une ligne de conduite, il n'est jamais trop tard pour lire, que ce soit un livre ou justement une revue littéraire. Alors on imagine que cette philosophie, elle se retrouve dans votre rubriquage. Qu'est-ce qu'on trouve dans Décapage, justement, qui peut illustrer ce que vous venez de dire? Alors dans Décapage, on va trouver plusieurs rubriques. Une rubrique chronique, où on va avoir des auteurs qui vont être invités à participer en s'inscrivant dans une chronique, comme un journal littéraire par exemple. On va avoir des dossiers thématiques, on va avoir une partie création avec des nouvelles, où là nous allons accueillir des auteurs connus et inconnus, parce que beaucoup d'auteurs vont débuter aussi dans la revue. Et on va avoir un dossier autour d'un auteur de près de 40 pages, qui est une carte blanche qu'on offre à un écrivain. Oui, et alors là où il y a aussi un dossier dans votre numéro actuel qui tourne autour de la question de la dédicace, hein, c'est ça ? Alors c'est ça. Dans nos dossiers thématiques, c'est vrai que tout tourne autour de la vie de la littérature et du métier d'auteur. On a interrogé les auteurs sur les souvenirs de salons de livres, par exemple, sur le jour où leur roman est devenu un film, sur les passions extralittéraires ou ces lettres de refus. Et comme vous le disiez dans ce numéro 59, nous avons interrogé les auteurs sur la dédicace. Alors, comme vous le savez, il est d'usage qu'un auteur dédie son livre à quelqu'un par une dédicace qui est souvent imprimée en tête de l'ouvrage. Mmh. Et nous sommes alors demandés, mais qui se cache derrière ces discrets hommages? Et alors, qu'est-ce que vous avez comme réponse à apporter? Qui avez-vous posé des questions? Alors, on a interrogé une dizaine d'auteurs. On a, par exemple, la jeune auteure Blandine Riquel, qui nous explique qu'il y a des livres qu'elle aimerait écrire à la seule fin de les dédier, justement, de les adresser à quelqu'un. C'est pour elle une manière discrète d'attester en public l'importance de quelqu'un ou de quelque chose. Elle écrit « La dédicace est un joyau de pudeur qui m'émeut ». On a aussi interrogé David Funkinos, qui analyse qu'au départ, il aimait ça, mettre un nom au tout début d'un roman. Il dit que c'est tout de même une sacrée preuve d'affection, une sorte de remerciement absolu. Puis il raconte qu'il a dédié un de ses livres à un oncle qui venait de mourir. Sa copine de l'époque l'a mal pris, elle pensait que ce roman lui revenait. Et par conséquent, David Funkinos a décidé de ne plus dédier ses livres. Oui, c'est dangereux aussi. Eh oui, mes livres n'appartiennent à personne, ils appartiennent juste au lecteur. Alors c'est très dangereux la dédicace, il y a une petite anecdote d'Eric Metzeger qui publie chez Gallimard, qui raconte qu'il avait une histoire d'amour avec une jeune fille, une histoire d'amour un peu tumultueuse, et avant que le livre ne parte à l'imprimerie, il décide de lui dédier son roman et il lui fait une demande en mariage dans la dédicace. Malheureusement, le couple se sépare de nouveau et le livre paraît quelques semaines plus tard avec la demande qui était « Aléa, bientôt ma femme, la lumière du jour ». Bon bah écoutez, ça donne évidemment envie d'y réfléchir à deux fois avant de rédiger sa dédicace. Il y a aussi toujours dans Décapage ce que vous appelez la panoplie littéraire, et cette panoplie littéraire vous l'avez donnée dans le numéro, enfin vous l'avez proposée à Yannick Hennel dans le numéro actuel. C'est vrai que la panoplie littéraire, c'est comme si on invitait nos lecteurs à aller chez les auteurs. On va fouiller les archives, on va ouvrir tous les tiroirs, on va regarder un peu ce qui s'y cache et on va aussi voir comment l'auteur travaille, explorer la bibliothèque et aussi voir, il va nous parler de tous les livres, les livres qu'il a écrits, comment il les a écrits, dans quelles conditions. Et là, Yannick Enel nous parle aussi du cinéma, de l'Italie et de tous les livres qu'il peut avoir fait en dehors de ses romans. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gendarme. Décapage, c'est une très belle revue, hein, si graphiquement on l'a pas dit. Où est-ce qu'on peut la trouver? En librairie, j'imagine? En librairie, dans toutes les bonnes librairies. Ouais. Merci, à bientôt. Compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, au premier jour d'une série consacrée aux mémoires de guerre et aujourd'hui aux mémoires de guerre de Churchill. After the end of the World War of 1914, après la fin de la Grande Guerre de 1914, les hommes eurent la conviction profonde et l'espoir presque universel que la paix régnerait dans le monde. Cette aspiration de tous les peuples aurait pu être aisément satisfaite si l'on s'en était tenu à de justes principes, avec le secours du bon sens et de la sagesse. L'expression « la dernière des guerres » était sur toutes les lèvres et des mesures avaient été prises pour qu'elles deviennent réalité. Le président Wilson, fort, pensions-nous, de l'autorité des États-Unis, avait imposé à tous les esprits la conception d'une société des nations. Nul le doute que l'on allait enfin connaître la paix et la sécurité. Le peuple français poussait à l'unisson un cri passionné « Plus jamais ça !» Quelles étaient les chances de voir à l'avenir les grands alliés reparaître par millions sur les champs de bataille de la France et de l'Est européen? La Russie, dévastée et secouée de convulsions, était transformée au point d'en être méconnaissable. L'Italie pourrait bien une prochaine fois se trouver dans le camp adverse. Quant à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, une mer et un océan les séparaient de l'Europe. L'Empire britannique lui-même semblait uni par des liens que ses citoyens étaient seuls à pouvoir comprendre. Quand la Grande-Bretagne, pacifique, indolente et antimilitariste, enverrait-elle à nouveau des armées de 2 ou 3 millions d'hommes fouler les plaines d'Artois et de Picardie? Quand l'océan porterait-il à nouveau 2 millions de magnifiques combattants américains vers la Champagne et l'Argonne, ravagée, doublement décimée, mais maîtresse incontestée du moment? La nation française scrutait l'avenir avec une gratitude émerveillée et une crainte obsédante. On était alors cette sécurité sans laquelle tout ce qui avait été gagné semblait vain, sans laquelle la vie elle-même était insupportable, fût-ce au milieu des réjouissances de la victoire. Qu'est-ce que vous retenez, Antoine Capet, de ces pages qu'on vient d'entendre, des mémoires de guerre de Churchill? Je pense qu'il s'agit de pages tirées de The Gathering Storm, l'orage approche. Pages d'ailleurs qui sont recyclées de The Aftermath, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il tire les leçons de ce qu'il a appelé The Folly of the Victors, la folie des vainqueurs. Et la leçon que je retire, c'est formidable parce que entendre ça en français par Michel Lonsdale, comme on disait quand j'étais jeune, en français, ça prouve la qualité de l'écriture de Churchill. Bon, ça passe très très bien. Ont pas toujours été. Non, mais très, même très même si la traduction est boiteuse, et Dieu sait que la première traduction des mémoires était vraiment très très boiteuse, faite par des militaires. Il y a des militaires qui nous écoutent, ils vont pas être contents, mais c'est pas leur métier de traduire. Bref. Ça prouve que sa prose passe très très bien. Il y a aussi le fait qu'on écoute ça maintenant, 100 ans après les faits, et ça nous paraît, pas 100 ans après l'écriture, mais 100 ans après les faits, 70 ans ou 80 ans après l'écriture, et ça passe très très bien auprès d'un certain public en tout cas, dont je suis. Je suis un grand amateur de ce genre de prose. Mais alors, on a dit tout à l'heure que Churchill n'était pas un historien. Il faut peut-être nuancer un petit peu dans le sens où il va tout de même influencer avec ses mémoires la vision que le grand public, mais peut-être pas que du coup, a eu de la Première Guerre mondiale. Alors oui, ce que vous dites là est intéressant, surtout pour les mémoires de la Deuxième Guerre mondiale. Très vite, ces mémoires se sont imposées comme la norme. Mm-hmm. Et par exemple, la dénonciation de l'apaisement, le fait qu'on a fait passer Chamberlain pour le dernier des derniers, tout ça c'est dû à Churchill. Et les grands historiens britanniques, américains actuels qui se penchent sur les écrits de Churchill et sur leur séquelles, sur les successeurs, montrent bien à quel point ceux qui ont écrit à la fin des années 50, début des années 60, en fait étaient influencés par les mémoires de Churchill, pour une très très bonne raison, c'est que les documents d'archives n'étaient pas publiés, sauf les siens. Et comme ils les avaient choisis, bien évidemment, de ne pas publier ce qui lui était défavorable. Donc, c'était un grand manipulateur en même temps. Il écrivait l'histoire, mais il écrivait l'histoire à sa façon. D'ailleurs, il disait, l'histoire retiendra une image, enfin, je caricature en disant ça, retiendra une image positive de moi pour la bonne raison, c'est que c'est moi qui vais écrire l'histoire. Oui. Bon. Alors, il explique aussi quand même les raisons de la Première Guerre mondiale, notamment dans la manière que les États ont eu de toujours différer l'émergence du conflit réellement. Oui. Donc il y a tout de même une espèce de côté analyste. Il y a une espèce d'analyse, mais de mise en contexte. Et d'ailleurs, le début des mémoires de la Première Guerre est consacré, en fait, il remonte à la guerre, ce que les Français appellent la guerre de 70, pour évidemment expliquer les ressentiments des Français vis-à-vis des Allemands. Mais, alors, c'est là qu'il y a peut-être des passages un petit peu trop détaillés sur la question d'Orient, les Balkans, tout ça. Il entre dans des détails extraordinaires sur les monarchies de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe de l'Est. Et tout ça, il met en place les pièces du puzzle. Et ensuite, évidemment, il développe tout ça quand il parle de la guerre. Et il revient, si vous voulez, au puzzle qui éclate de nouveau avec le traité de Versailles, le règlement de Versailles qui ne règle rien du tout. Mais en même temps, il ne cherche pas, et ça c'est assez frappant, à pointer des responsables, et notamment des responsabilités individuelles. Pour lui, il n'y a pas de responsabilité individuelle. Alors, pour lui, c'est compliqué là aussi, parce que pour lui, l'homme, c'est un roseau pensant, certes, mais c'est un pion aux mains des dieux. Il ne croit pas à un seul dieu, mais il croit à une espèce de puissance extraterrestre. Le destin, on appelle ça comme on veut. Risqué sa vie, il a dit non, mais je risque ma vie, mais il ne m'arrivera rien car Dieu me protège. Alors qu'en effet, il n'était pas. Il avait une conception de la vie humaine qui se défend tout à fait. Mais à l'intérieur de cette conception où tout était écrit en théorie, on pouvait quand même modifier très très peu à la marge, modifier le cours de l'histoire. Mais quand vous dites donc il n'attribue aucune responsabilité individuelle, si. Wilson, là, ce qu'on a entendu, il est gentil avec lui là dans The Gathering Storm, parce que bon, je l'ai dit, l'orage approche en français. Premier volume des mémoires de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut vendre aux États-Unis et on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. On ne va pas dire aux États-Unis que leurs présidents au pluriel sont des incapables, alors que ils pensent que Wilson s'est montré incapable, que Wilson a tout torpillé avec son histoire de la Société des Nations, on l'a entendu, et les États-Unis ensuite, qui après avoir poussé à cette Société des Nations dont les Britanniques et les Français ne voulaient pas, ont refusé d'y adhérer. Donc oui, autre responsable individuel, bien évidemment, les uns, comme ils les appellent, donc les Boches en français, quand même, Hitler, pour lui, a une responsabilité extraordinaire. Hitler, pour la Seconde Guerre mondiale, mais pour ce qui concerne la Première, il dit quand même, y a-t-il eu un homme occupant un poste réellement élevé et chargé de responsabilité qui, dans la perversion de son cœur, ait conçu ou voulu cette guerre horrible, et globalement il répond que non, que c'est un enchaînement finalement qui arrive à la tragédie. C'est vrai, mais probablement ce qu'il veut dire, c'est que personne n'envisageait les millions de morts, mais que des gens aient voulu la guerre, non pas la guerre qu'on a eue, mais voulaient une petite guerre limitée. Rappelez-vous que tout le monde pensait que ça serait fini avant Noël. Quand même, il attribue des responsabilités, notamment au rêve de gloire de l'empereur d'Allemagne et au rêve de construction d'une marine nationale allemande qui soit l'équivalente de la marine nationale britannique, ce qu'il ne pouvait absolument pas tolérer. Donc il y a quand même des responsabilités individuelles, certes pas pour les millions de morts, mais si vous voulez, les gens ont voulu une petite guerre, et là où ils ont été dépassés par les événements au sens propre du terme, c'est qu'ils n'ont pas eu une petite guerre, ils ont eu une guerre mondiale qui a fait des millions de morts, et c'est là que le destin c'est un peut-être moqué de ces pauvres humains qui croyaient s'en tirer avant Noël et puis qui ont eu la catastrophe absolue. Alors là où il est aussi un petit peu historien et qu'il se met d'une certaine manière en valeur, c'est quand il dit, regardez, moi j'avais prévu que d'abord la France serait transpercée par l'Allemagne jusqu'au jour 20 après la première invasion, et après au jour 40, il y aurait une réaction française, et bien ça tombe bien, il y a eu la Marne. Alors est-ce qu'il avait vraiment prévu tout ce qui s'est passé? Il l'avait vraiment dit, mais il avait dit plein de choses. Donc dans ses mémoires, il se vante de ça, ce qui est absolument vrai. Ça s'est déroulé absolument selon ses prévisions. Mais il y avait plein d'autres choses qu'il avait prévues et qui ne se sont pas déroulés comme il le voulait, et ça, il n'en parle pas. Au premier chef, l'expédition des Dardanelles, évidemment, il ne passe pas sur tous les jolis mots qu'il avait pu avoir en disant, mais vous allez voir, là aussi, on a parlé de la guerre finie avant Noël, vous allez voir, en une semaine, c'est expédié. Et ça s'est pas passé exactement comme ça. Voilà. Alors après les Dardanelles, justement, il a donc dû quitter son poste et il est parti en France pour faire la guerre. On ne sait pas d'ailleurs s'il aurait été obligé de le faire. Enfin bon, il est sans doute assez courageux d'aller en première ligne, parce qu'en réalité, il va en première ligne. Il aurait pu faire partie des monstrueuses offensives qui avaient lieu à ce moment-là. Il se trouve qu'il a été relativement chanceux, Antoine Capet. Oui, il a eu beaucoup de chance, et ça, c'est pas du tout parce qu'il était pistonné. Il n'a pas du tout demandé à être dans un endroit abrité, pas du tout du tout. Simplement, on ne pouvait pas savoir où les Allemands allaient faire leurs offensives, et il a eu la chance. Il n'est pas resté très très longtemps quand même. Il a fait une semaine de première ligne vraiment, c'est ça? C'est-à-dire qu'il montait en première ligne, c'est très compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à essayer de comprendre le système. Vous aviez une division, c'est-à-dire plusieurs régiments, qui étaient, à une dizaine de kilomètres du No Man's Land, puisqu'on dit ça en français, mais tous n'étaient pas face aux Allemands. Il y en avait qui étaient 10 kilomètres en arrière et ils n'arrêtaient pas, ils appelaient ça monter en ligne, ils n'arrêtaient pas de se renouveler. Mais ceux qui étaient 10 kilomètres à l'arrière pouvaient recevoir des obus, parce que dans une guerre moderne, 10 kilomètres pour un canon, c'est rien du tout. Donc les obus tombaient au hasard. Alors, il a tiré deux conséquences, écrivez-vous, finalement, de son expérience dans les tranchées, puis de son expérience de la Première Guerre mondiale. La première, c'est qu'il fallait des tanks, ça ce sera utile pour la suite. Et la seconde, c'est que le fantassin français, et puis l'esprit peut-être un peu flamboyant du fantassin français, du français peut-être en général, c'est peut-être l'idée qu'il se faisait à l'époque de nos compatriotes, faisait qu'on pouvait finalement faire pleinement confiance à l'armée française. Et là, il va peut-être se tromper un petit peu pour la Seconde Guerre mondiale qui allait arriver, dans l'analyse qu'il aurait de la défense finalement que pourrait opposer l'armée française à l'armée allemande. Oui, c'est un euphémisme quand vous dites qu'il s'est trompé un petit peu. Il s'est trompé complètement. En 1933, au moment où Hitler arrive au pouvoir, il dit « Dieu merci, il y a l'armée française au Parlement. » Tout le monde rigole. Tout le monde rigole, tout le monde dit il est complètement fou, ce Churchill. Il ne rêve que d'une chose, c'est de revivre la Première Guerre mondiale. Parce qu'il a compris ce qui allait se passer. Donc Dieu merci, il y a l'armée française. Pourquoi ? Bah, parce qu'il n'y a pas d'armée britannique. Elle a été complètement désorganisée après la Première Guerre. La défense des Britanniques, traditionnellement, depuis des siècles, c'est la marine. Et maintenant, ça va être l'aviation à partir des années 30. Il n'y a pas d'armée britannique en 1939 qui soit digne de ce nom. Vous avez deux malheureuses divisions. Bref, Churchill fait confiance aux Français parce que il a vu la ténacité, en fait, des soldats. Mais en plus, il a vu également la ténacité de gens comme Foch. Il admirait Foch, absolument. Foch, qui a sauvé la situation à partir du printemps 1918 pour finalement terminer vainqueur. Et il pensait que les généraux français étaient peut-être pas tous de la trempe de Foch, mais que d'autres allaient surgir, vous voyez. Alors au fur et à mesure de cette semaine, oui, on va glisser vers la France, commençons, oui, déjà à le faire avec un extrait du général de Gaulle, des mémoires du général de, oui, Gaulle, parlant là de Churchill. Quel que fût son auditoire, foule, assemblée, conseil, voire interlocuteur unique, qu'il se trouvât devant un micro, à la tribune, à table ou derrière un bureau, le flot original, poétique, émouvant de ses idées, arguments, sentiments, lui procurait un ascendant presque infaillible dans l'ambiance dramatique où haletait le pauvre monde. En politique éprouvée, il jouait de ce don angélique et diabolique pour remuer la lourde patte anglaise, aussi bien que pour frapper l'esprit des étrangers. Il n'était pas jusqu'à l'humour dont il assaisonnait ses gestes et ses propos, et à la manière dont il utilisait tantôt la bonne grâce et tantôt la colère, qui ne fit se sentir à quel point il maîtrisait le jeu terrible où il était engagé. Alors c'est un portrait qui est évidemment plein de respect, d'admiration, même de Gaulle pour Churchill. Quel parallèle on peut faire entre les deux œuvres, finalement, de ces hommes d'État qui étaient aussi des écrivains ? Alors, on va commencer par un contraste total. Apparemment, de Gaulle a écrit tout de lui-même, au stylo, dans sa tour. Du coup, il a écrit moins aussi. Il a écrit moins, certes, mais sans aucune aide. Et ça, c'est la grande différence. De Gaulle n'avait pas de syndicat, comme Churchill avait son syndicat pour lui écrire des pages qu'il revoyait ensuite. Mais il faut voir que certaines pages des mémoires de la Deuxième Guerre sont entièrement écrites par les membres de son syndicat. Éminents jeunes historiens, comme je l'ai dit. Mais bon. Sur le style. Sur le style. On a très très souvent rapproché les deux styles. On vient d'entendre là une très longue période de Gaulle, qui d'ailleurs passe pas très bien quand c'est oralisé, parce que dans un livre, une page sans avoir de point ni de paragraphe, ça passe. Churchill savait pas où mettre les virgules, apparemment. Non, mais et il insistait en plus, parce que les relecteurs le corrigeaient, et il disait non, moi, je veux que ça soit là. Et c'est vrai, sa ponctuation est très très bizarre. Quand on a à traduire des pages de Churchill, on rectifie la ponctuation en français, bien évidemment. Donc, du point de vue des longues périodes, c'est pareil. Est-ce que les deux se mettent en scène ? Oui. Je pense que c'est indéniable. L'un peut-être davantage que l'autre, on l'a vu l'un tout à l'heure. L'un peut-être davantage que l'autre. Je ne me prononcerai pas. Différemment. Autre chose aussi, vous avez parlé de Churchill quand même, historien. La vision de l'histoire, c'est-à-dire l'inscription des guerres mondiales dans l'histoire de l'Europe. Il y a ce magnifique passage où De Gaulle parle des Germains, des Gaulois, etc. Et Churchill, lui également, remonte toujours. Alors, parfois jusqu'à la guerre de Cent Ans, pour expliquer telle ou telle mésentente entre les Français et les Britanniques. Il a une anecdote que je vous livre, puisqu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il parle de Darlan et de l'assassinat de Darlan. Il dit Darlan faisait partie de ces excellents Français qui ont toujours exécré les Britanniques. La première fois que je l'ai rencontré, parce que Churchill était redevenu ministre de la Marine en 1939, lorsque la guerre a éclaté. Donc son homologue, c'était Darlan. La première fois que je l'ai rencontré, nous l'avions invité à Londres. Lors du banquet, il m'a confié que son arrière-grand-père était mort à Trafalgar. Voilà, l'ambiance était mise. Vous pensez que De Gaulle avait lu, et sans doute que oui, les mémoires de la Grande Guerre de Churchill? J'en suis convaincu. Ah oui, De Gaulle lisait avidement, peut-être pas des romans de Katsu, mais sûrement qu'il lisait ce genre d'ouvrage. J'en suis persuadé. Il a pu s'inspirer d'une certaine manière de... Je sais pas si De Gaulle pouvait s'inspirer de quiconque. C'est difficile. Je ne sais pas si De Gaulle, par exemple, a voulu... certains passages contrer Churchill. C'est dans les mémoires de la Deuxième Guerre, par exemple, sont parus avant ceux de De Gaulle, les mémoires de Churchill. De Gaulle ne propose pas de rectificatif. Et De Gaulle, on en parlera dès demain. Merci beaucoup Antoine Capé. Je rappelle donc que vous avez édité les mémoires de la Grande Guerre, plusieurs volumes qui sont parus dans la collection Texto chez Talendier. Vous êtes également l'auteur du gros dictionnaire Churchill, cette fois chez Perrin. Cette émission a été rendue possible par le travail conjugué de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Malonda, Laurent Travaglichanal, Stéphanie Vélin et Julien Calva. Demain, nous nous intéresserons donc à De Gaulle en reprenant sa biographie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale sous l'angle de sa formation culturelle et de ses écrits. Ce sera avec Alexandre Duval-Stalla qui a publié une biographie croisée de De Gaulle et Malraux. Tout de suite sur France Culture, c'est le retour de la poésie et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie, bonjour monsieur, dame, bonjour, pourriez-vous faire une petite place à monsieur Apollinaire? C'est en ce moment son anniversaire, on pourrait dire vendémiaire. Que Paris était beau à la fin de septembre, chaque nuit devenait une vigne où les pampres répandaient leur clarté sur la ville, et là-haut, astre mûr becqueté par les ivres oiseaux, de ma gloire attendait la vendange de l'aube. Oui, là, Guillaume, il avait déjà un coup d'avance, là. Vendémiaire, de Guillaume Apollinaire. C'est un peu trop long pour rentrer dans notre case, un peu interminable. Mais ça commence magnifiquement. Homme de l'avenir, souvenez-vous de moi. Je vivais à l'époque où finissaient les rois. Tour à tour, ils mouraient silencieux et tristes. Et trois fois courageux devenaient trismégistes. Trismégiste, mot étrange, rare, obscur, modelérien, Satan trismégiste, qui évoque, ouvre des perspectives ésotériques, hermétiques. Un soir, passant le long des quais déserts et sombres, en rentrant à Auteuil, j'entendis une voix qui chantait gravement, se taisant quelquefois, pour que parvint aussi sur les bords de la Seine la plainte d'autres voix limpides et lointaines. Ça veut nous dire que Paris n'est pas seul. Et j'écoutais longtemps tous ces chants et ces cris qu'éveillait dans la nuit la chanson de Paris. J'ai soif, ville de France et d'Europe et du monde, venez toutes couler dans ma gorge profonde. Ah, là c'est gouléant comme l'automne, et cet extrait d'Alcool de Guillaume Apollinaire, c'est après que ça se complique. Je vis alors que déjà ivre dans la vigne, Paris vendangeait le raisin le plus doux de la terre. Oui, il faut y croire. Ces grains miraculeux qui, aux treilles chantèrent, et reine répondit avec Quimper et Vannes. Il faut comprendre que là, il s'agit d'une allégorie, parce que les vignes de Quimper et Vannes, déjà à l'époque, on continue dans le poème. Action, belle journée, sommeil terrible, végétation, accouplement, musiques éternelles, mouvement, adoration, douleur divine, monde qui vous ressemblait et qui nous ressemblait, je vous ai bu et ne fus pas désaltéré. Ça sent bon ces vendanges, hein, c'est vrai. Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers, dit-il plus loin. Écoutez-moi, je suis le gosier de Paris et je boirai encore, s'il me plaît, l'univers. Écoutez mes chants d'universelle ivrognerie, et la nuit de septembre s'achevait lentement, les feux rouges des ponts s'éteignaient dans la Seine, les étoiles mouraient, le jour naissait à peine. Voilà. Waouh ! Que le ministère de la Santé nous pardonne ces quelques libertés prises par rapport à leurs recommandations, mais ici, il faut s'enivrer de vin, bien sûr, de poésie ou de vertu à votre guise, pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise nos épaules et nous penche vers la terre. Il faut être toujours ivre. Voilà, tout est là. Jacques Bonafé, merci.